Le son du terre-terre, volume 4. Volume 4. Ok, 59 grammes, morsaille, neige mou, truand de la galère. Ok, ok, vodka, 9-5, village city, Almagar, Almagar, Almagar. J'coute, fais, j'emballe et j'pars au charbon. Chez nous y'a pas de jambien, vu qu'y'a pas de jambon. J'emmerde les merdes qui retombent dans le check-son. Allez niquer vos mères, comme on dit dans le jargon. Ici c'est la guerre, face au CRS fourgon. Pour eux le nord c'est l'enfer, vu que la dure nous fourgon. Almagar c'est le fourman, puis ton fourman. Si y'a les keufs, j'courman, au poste muet sourman. Zek Nef, j'ai c'est le tsunam, on vient y monter l'hexagone. Capitaine ma galère, j'fume mes problèmes dans un extragone. La grenade, j'ai des goupilles, autour de moi pas de groupies. Poto, je veux que mon groupie, le rap est son industrie. C'est paillettes et c'est strass. Max des bonos, balettes et traces. On rêve de liasse dans le sas. On met des gants, laisse aucune trace. C'est du sac l'impasse. Et je vois pas d'ouverture, à part le cul sale d'une pétasse pétée sous la couverture. Tous vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. Posés sur terre, terre, les keufs nous ont dans le viseur. C'est le ghetto unique, on pour péter nos portes à 6h. Tous vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. C'est le son du terre, terre, pépère, on fait nos bails. 59 grammes morts, ça y a la concurrence, on dit bye. Ok, c'est 59 grammes et truand de la galère. Le son du terre-terre 4 jaloux dans la chatte à ta mère. On fait des sons sales, pick up à Gringo et CRF. On squatte le fast burger et le foot corner. C'est tellement la hesse qu'on bicrave à n'importe quelle heure. 59 grammes, truand de la galère, c'est trop déter. Jaloux, t'es mort, on veut te voir, alors on te déterre. Oh heps, tellement la dalle, une grosse survente, on la tarot. Tellement les crocs avec une fourchette, on fait des bracos. Cliquez, bande de salopes, j'suis toujours avec mes rots. J'ai le flow, fusil à pompe, crrr, boum dans ta go. Ça fait plaisir quand tu fais tourner ton béto. Tu t'es reconnu, t'as balancé tous tes poteaux en garde à vue. Terre, terre, kéké, bientôt pendu. 5-9, j'ai morsaille, c'est pour les frères de la rue. Tous vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. Posés sur terre, terre, les keufs nous ont dans le viseur. C'est le ghetto unique, pour péter nos portes à 6h. Tous vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. C'est le son du terre, terre, pépère, on fait nos bails. 59 grammes morts, ça y a la concurrence, on dit bye. La raille, je la croque avec mes canines. Histoire de combler ma grosse allo, devrais gérer ma famille. Tout comme ton poteau, je suis proche du but. Comme ce rousse quand t'archavine, que serait le monde. Des anciens sont pour les accords. Après la création, terrain, ça risque au Brésil. Du panique, pour se les appels anonymes de poursuite. La vengeance n'a pas de cœur, mais elle a des tripes. C'est celle qui te cible, qui défend avec un des max et te crie. On a tout un scénario pour te monter un bête de film. Un patino par Émilie, devant la jeunesse qu'on incrimine. De verrer à mes streams, le banditisme attire. Au final, il restera de nous qu'une écriture volatile. J'fragilise le beat, j'écrase tes prix. J'prends le chemin de la gloire en sprint comme une Ferrari. Mon humeur de tous les jours variant devient sourd quand on s'appauvrit. Prêt à péter comme un piège dans un colis. Tous vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. Posés sur terre, terre, les keufs nous ont dans le viseur. C'est le ghetto unique, pour péter nos portes à 6h. Tous vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. C'est le son du terre, terre, pépère, on fait nos bails. 59 grammes morts, ça y a la concurrence, on dit bye. Vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. Posés sur terre, terre, les keufs nous ont dans le viseur. C'est le ghetto unique, pour péter nos portes à 6h. Tous vos soldats, on garde à vous, les miens sont en garde à vue. Oh heps, gardez la pêche, ces bâtards nous gardent pas à vie. C'est le son du terre, terre, pépère, on fait nos bails. 59 grammes morts, ça y a la concurrence, on dit bye. 59 grammes morsaille. Les jaloux, cliquez la chatte à votre grand-mère, bande de fils de pute. Nous on fait des sons sales. Big up à tous les frérots qui écoutent, qui soutiennent. Niquez-vous les jaloux, on vous baise. Big up à tous les vrais, oh, ils se reconnaîtront dans le morceau. Nique les hernouches, on vous baise en brochette. Quand vous allez au travail, on baise votre pute de chienne de meuf. Bande de salopes.